Section 37 de « Le mari de Charlotte » par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Deuxième partie, chapitre 6. Depuis son retour en France, Charlotte n'avait pas lu un seul mot de politique. Lorsqu'elle ouvrait un journal, elle parcourait les faits divers, lisait l'article variété ou le feuilleton s'il était signé d'un nom qu'elle estimait. Mais jamais elle ne jetait les yeux sur la première page ou sur le compte rendu du corps législatif. C'était une règle qu'elle s'était imposée. Elle ne voulait pas savoir ce que Georges faisait, ce qu'il disait, ce qu'on disait de lui. Selon sa propre expression, elle voulait qu'il fût mort pour elle et elle restait fidèle à l'engagement qu'elle avait pris avec sa conscience. Elle était la femme de Narbanton. C'était son mari qu'elle aimait, c'était à lui seul, qu'elle voulait penser. Mais le lendemain de cette conversation, elle manqua pour la première fois à cette règle qu'elle avait jusque-là scrupuleusement observée. À peine Emmanuel fut-il sorti pour aller, comme à l'ordinaire, inspecter les travaux de la maison qu'elle envoya acheter les journaux. On lui en apporta une collection complète, et elle eut ainsi entre les mains des représentants de toutes les opinions qui, à cette époque, pouvaient plus ou moins librement se manifester dans la presse. Autrefois, Georges était républicain. Maintenant, on l'accusait de passer du côté du gouvernement. Elle prit tout d'abord un journal républicain, protestant ainsi elle-même contre sa propre faiblesse. Ce n'était pas l'éloge de Georges qu'elle cherchait. Elle n'eut pas besoin de pousser bien loin sa lecture. Dès les premières lignes du bulletin, le nom de Georges Saffarel lui sauta aux yeux. L'événement de la journée, disait ce bulletin, c'est le discours que M. Georges Saffarel vient de prononcer au corps législatif. Jusqu'à présent, M. Georges Saffarel, malgré certaines contradictions assez inexplicables, même pour ses amis, n'avait pas rompu avec l'opposition. Aujourd'hui, cette rupture est un fait accompli. Nous reviendrons sur cette évolution. Pour le moment, nous ne pouvons que signaler à nos lecteurs ce discours ministre que nous publions in extenso. Tournant la page, Charlotte avait couru au compte rendu de la séance, mais elle commençait à peine la lecture lorsqu'on frappa à la porte du salon. Vivement, elle fit disparaître les journaux, honteuse d'être surprise dans sa lecture, et elle alla ouvrir, croyant à la visite de quelque tapissier qui venait lui soumettre des dessins ou lui demander des ordres. Mais elle recula, en poussant un cri d'effroi. C'était Georges. Il fit deux pas en avant, puis, après avoir fermé la porte derrière lui, il s'arrêta. Ils se trouvaient ainsi à une assez grande distance l'un de l'autre. Charlotte appuyée sur le fauteuil, jusqu'où elle avait reculé, Georges debout, le dos contre la porte. Elle se tenait, les yeux baissés, haletante, lui la regardait avec surprise, ou tout au moins avec curiosité. Ils restèrent ainsi longtemps sans parler. Enfin Charlotte releva les yeux, et regardant Georges en face, de la main, par un geste deux fois répété, elle lui demanda de sortir. Mais il fit quelques pas en avant et vint jusqu'à elle. « Et quoi » dit-il. « C'est ainsi que vous me recevez, ma cousine, après 4 années de séparation ?» Elle avait de nouveau baissé les yeux, ne pouvant pas soutenir le regard que Georges attachait sur elle. « Vous me montrez la porte » continua-t-il. Elle leva encore la main, mais d'un geste moins énergique. « Moi, c'est moi que vous repoussez, ah Charlotte !»« Je vous en prie » dit-elle d'une voix tremblante. « Vous me priez? Que me demandez-vous? De partir? C'est impossible. Quand vous aurez entendu ce que j'ai à vous dire, vous verrez que je ne pourrai pas vous obéir. »« Je n'ai rien à entendre de vous. Je ne veux rien entendre. La lettre que vous m'avez écrite, il y a 4 ans, m'en a dit assez. »« Croyez-vous donc que c'est pour ajouter un mot à cette lettre que je me suis introduit ici, près de vous, à une heure où je savais que Narbanton serait absent ? Si j'ai pris la précaution de demander au bureau de l'hôtel le numéro de votre appartement, si je n'ai pas voulu recourir à une femme de service qui m'eût dit que vous n'étiez pas visible, ce n'est pas, croyez-en certaine, pour vous parler de moi ni même de nous. Comment me jugez-vous donc maintenant pour avoir une pareille pensée ? Ah, pauvre femme ! C'était lui qui se plaignait, lui qui l'accusait. Mais dans cette accusation, ce qui la frappait surtout, c'était ce que ses paroles à double sens semblaient insinuer sans le dire précisément. Que cachait-elle sous le mystère qui les enveloppait ? Malgré tout, elle se trouvait entraînée à écouter Georges et même à l'interroger. De la même main qui, quelques secondes auparavant, lui avait indiqué la porte dans un geste énergique, elle lui montra un fauteuil et elle s'assit elle-même. Cela se fit sans prononcer un mot, mais Georges comprit si bien qu'il pouvait désormais parler à son aise, et aussi longtemps qu'il voudrait, qu'il posa son chapeau sur la table qui se trouvait à portée de son bras. « Ce n'est pas de moi, » dit-il d'une voix grave, « ce n'est pas de nous que je veux vous entretenir, c'est de Narbanton. »« Mon mari, » dit-elle, en appuyant fortement sur ces deux mots et en leur donnant toute leur valeur. « Oui, votre mari. » Elle l'interrompit vivement. « Alors je dois vous dire avant tout que j'ai pour lui l'estime la plus profonde, le respect le plus grand. Emmanuel est pour moi l'homme d'honneur par excellence. Il a la bonté, la générosité, la droiture. Comment ne l'aimerais-je pas? Et je l'aime. » Elle avait débité ses paroles d'un seul trait, comme si elles eussent été un défi. Après un mot, elle en lançait un second pour donner plus de force au premier. « Comment ne l'aimerais-je pas? Je l'aime. » Et alors elle était restée la tête levée, attendant que Georges parlât. Elle n'avait plus peur. Les qualités de son mari, l'amour qu'elle avouait, étaient sa défense. Georges ne parut nullement troublé par la véhémence de ce petit discours. « Ce que vous me dites de Narbanton, ma chère cousine, dit-il doucement, je le sais depuis longtemps, et je n'ai pas eu besoin qu'on me signalât les mérites d'Emmanuel pour les reconnaître. Avant d'être votre mari, il était mon ami. Permettez-moi de vous le rappeler. En même temps, permettez-moi de vous dire que c'est me peiner cruellement, c'est me blesser au cœur, de croire que je puis porter contre votre mari, mon ami, contre ses qualités ou contre son caractère, une seule accusation. Vous n'avez pas pensé à cela, n'est-il pas vrai, en allant au-devant de ce que je voulais dire, et en vous couvrant, s'il est permis de s'exprimer ainsi, des mérites d'Emmanuel. J'ai voulu vous faire connaître mes sentiments, afin que nos positions réciproques fussent nettement prises. C'est ainsi que j'ai compris vos paroles, et voilà pourquoi, précisément, elles m'ont si péniblement affecté. Mais je ne vous en veux pas, Charlotte, et je ne vous en voudrai jamais, pour quoi que ce soit. C'est mon sort, paraît-il, d'être toujours injustement accusé. Je commence à m'y faire. Seulement, j'avoue que lorsque l'accusation me vient d'une personne qui m'est chère, elle m'est plus cruelle. Mais laissons cela. Je vous ai dit que ce n'était pas pour moi que j'avais cherché, que j'avais forcé cette entrevue. C'est pour vous, c'est pour Emmanuel, c'est pour sa santé, pour sa vie. La santé de mon mari, que faut-il faire? Je suis prête. Prête à vous dévouer, j'en suis certain. Mais prête à recevoir le coup que je vais vous porter, hélas, non. Parlez, mais parlez donc. Est-ce qu'il s'agit de moi? Ce que je veux vous révéler n'est point un danger immédiat. Votre inquiétude n'a donc pas à s'exaspérer. Ce n'est pas l'imminence plus ou moins prochaine qui fait l'inquiétude, c'est le danger lui-même. Je vous en supplie, ne me faites pas souffrir par ces ménagements inutiles avec moi. Que savez-vous sur Emmanuel et que voulez-vous m'apprendre? Je ne sais si j'ai quelque chose à vous apprendre, mais en tout cas, je regarde comme un devoir de vous dire ce que j'ai moi-même appris. Et c'est pour remplir ce devoir que vous me voyez ici. Toutes ces préparations, toutes ces réticences, toutes ces précautions avaient exaspéré l'impatience de Charlotte. Georges l'irrita encore en prenant une pause pour chercher ce qu'il voulait dire. « Ce que j'ai appris relativement à Narbanton, dit-il enfin, remonte à 4 années, au moment même de votre mariage. »« Et c'est aujourd'hui seulement que vous me le répétez, » interrompit-elle vivement. Je voulus alors vous en avertir, et comme cette révélation était trop grave pour être confiée à une lettre, je partis pour la Bretagne. Je ne vous y trouvais point. Vous veniez de vous embarquer pour une destination inconnue. Pendant 4 années, Charlotte, je restais sans nouvelles de vous, ne sachant même pas si vous étiez vivante, ou vous chercher ou vous écrire. Hier seulement, le hasard me fit rencontrer Emmanuel. Mon mari m'a dit cette rencontre. Oui, mais ce que votre mari ne vous a peut-être pas dit, ce sont mes instances pour amener un rapprochement entre nous. Tout fut inutile. Je ne pus amener Emmanuel à me prier de vous venir voir. Et quand à bout d'expédient je lui dis que je viendrais vous faire ma visite, il me répondit que vous étiez souffrante en ce moment et qu'il m'écrirait plus tard. La seule chose que je pus obtenir fut de savoir que vous étiez descendue ici. Évidemment, il agissait ainsi par parti pris et pour m'empêcher de vous voir. Il agissait conformément à mon désir. Car lorsque nous sommes rentrés en France, il a naturellement été question de vous, entre nous deux. Alors je lui ai dit que je désirais ne pas vous voir. Ah, oh, c'est vous? C'est moi. Il ne m'appartenait pas de dicter à mon mari la conduite qu'il devait tenir à votre égard, mais j'avais bien le droit, en un pareil sujet, de manifester mes sentiments. Je lui dis donc qu'après ce qui s'était passé entre vous et moi, autrefois... Emmanuel sait tout ce qui s'est passé entre nous. Charlotte s'arrêta profondément troublée par cette interrogation directe. Mais se roidissant contre son émotion, elle continua sans répondre à la question qui lui était posée. Je lui dis qu'après ce qui s'était passé entre nous et la rupture de nos projets, vous étiez mort pour moi, et que je désirais ne vous voir jamais. Voilà la vérité exacte. Vous voyez donc que mon mari n'est pour rien dans ce refus de vous recevoir, qui paraît vous avoir blessé. Je suis surprise que vous n'ayez pas senti les mobiles de ma détermination. Je les ai sentis, croyez-le, et j'ai parfaitement compris, à la façon dont Emmanuel me répondait, qu'il n'était qu'un porte-voix. Si malgré cela j'ai tenu quand même à vous entretenir, c'est que j'avais des raisons toutes puissantes qui ne permettaient pas d'avoir égard à vos sentiments présents. Ces raisons, je les attends, et je vous ferai remarquer que depuis que vous êtes ici, vous avez parlé de toutes choses, excepté de ces raisons. Les voici. Fin de la section 37.